que de fois j'ai pleuré de joie face à mon bonheur qui vit dans ton cœur. Que de fois ta façon d'aimer a ensoleillé mes jours. Et pourtant nous avons tremblé chaque fois qu'il y avait un danger. Mais tout ça, c'est la part du feu d'un amour heureux. Que de fois j'ai pleuré de joie à te regarder vivre à mes côtés. Que de fois j'ai vu dans tes yeux l'existence du merveilleux. Trop de gens souffrent encore d'être seuls dans la vie, et leur cri chaque jour est un cri. Que de fois j'ai pleuré de joie depuis cet instant du premier serment. Et depuis mon cœur ne reçoit que ce qui me vient de toi. Les enfants que tu m'as donnés, les élans de ta sincérité, ton sourire, ta confiance en moi, je te dois tout ça. Quand je prends ta vie dans mes bras, je prends chaque fois le monde avec toi. Et ce soir, encore une fois, j'ai envie.